Chapitre 17e, la photographie accusatrice. La duchesse et Maurice de Lavernès se trouvaient, on s'en souvient, dans la chambre mortuaire, au moment où Martin Thibault était venu prévenir le baron que le juge de paix du canton demandait à l'entretenir d'une affaire urgente. Le lugubre spectacle d'Athénaïs étendue sur son lit dans un linceul avait fini par impressionner si vivant Madame de Vallombreuse que Maurice jugea prudent de l'emmener au salon et contraignit Brigitte à les accompagner. Un quart d'heure après, la vieille servante, mandée par le juge de paix, les avait quittés. L'interrogatoire qu'elle devait subir avait été long. Maurice et la duchesse, bien qu'ils ne soupçonnassent nullement le motif du départ de Brigitte et de l'absence prolongée du baron, commençaient à s'étonner de ne les voir revenir ni l'un ni l'autre lorsque la porte du salon s'ouvrit. Monsieur de Lavernet entra. Son visage, d'ordinaire fortement coloré par la vie au grand air et les repas largement arrosés, était en ce moment d'une pâleur presque livide. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda le jeune magistrat, frappé du brusque changement qui s'était opéré dans la physionomie de son père. « Il y a, » répondit celui-ci, en se laissant tomber sur un siège, « qu'il se passe la chose la plus inouïe, la plus épouvantable. La tante est morte assassinée. »« Assassinée ?» firent Maurice et Madame de Vallombreuse avec stupéfaction. C'est du moins ce qu'affirmait le médecin. Mais comment et par qui ? Reprit son fils. Les soupçons se portent sur notre vieille Brigitte. Sur Brigitte, dit la duchesse. C'est impossible, s'écria le jeune magistrat. Brigitte est la plus digne fille qui saute au monde. Et elle avait un véritable culte pour ma tante. C'est ce que j'ai répondu au juge de paix. Mais il n'a rien voulu entendre et l'a envoyé prévenir la gendarmerie. Brigitte arrêtée ? Reprit vivement Madame de Vallombreuse. « Ah, je veux la voir, l'interroger !» interrompit Maurice. Il s'élança vers la porte. Le baron courut à lui, lui prenant le bras. « Tu n'arriveras pas jusqu'à elle » dit-il. Elle est enfermée dans la chambre mortuaire et défense a été faite de communiquer avec elle. Il raconta alors tous les détails de la scène qui venait d'avoir lieu, avec ce flux de paroles particuliers aux gens qui ont peur et qui cherchent à imposer par leur loquacité. « Mais quel est ce médecin étranger au pays qui, dites-vous, s'est présenté ici ?» « Qui vient-il faire ?» demanda le jeune magistrat. « Il est délégué par la compagnie qui a assuré la vie de ma sœur. »« Ma tante s'est fait assurer. »« C'est moi qui l'ai fait assurer, » balbutia M. de Lavernet. « Vous, mon père ?» Maurice, en prononçant ces mots, regarda fixement le baron. La duchesse, elle, n'avait attaché aucune importance à la déclaration du vieux gentilhomme. « Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ?» répondit ce dernier. « Cela se fait tous les jours. Les gens prévoyants conjure ainsi les chances de la mort, et beaucoup de mères de famille constituent de cette manière des dots à leurs filles. » Le jeune magistrat garda le silence, mais son visage assombri témoignait du trouble de ses pensées. Monsieur de Lavernet, qui se sentait mal à l'aise sous les regards obstinés de son fils, chercha un prétexte pour se retirer. « L'enterrement, dit-il en gagnant la porte du salon, ne peut avoir lieu avant l'arrivée du juge d'instruction. Peut-être faudra-t-il procéder à une autopsie. « Je vais modifier les dispositions que j'avais prises. » Il sortit sur ces paroles. Lorsqu'il se fut éloigné, Madame de Vallombreuse s'approcha de Maurice. « Je commence à croire que les craintes que vous m'aviez manifestées avant notre départ étaient fondées. Je tremble que la main de cette femme ne pèse sur votre famille. »« Quoi ? » répondit le jeune magistrat. « Vous soupçonneriez, Flavia, d'être pour quelque chose dans la mort de ma tante ?» N'a-t-elle pas à se venger de vous comme de moi ? Maurice fit un mouvement. Oh, elle n'a pas commandé le meurtre, si meurtre il y a. Continua la duchesse, elle est trop habile pour se compromettre, mais elle a pu le préparer. Dans quel but ? Je ne le sais pas. Mais si c'est elle, en effet, qui l'a inspirée, elle doit avoir eu ses raisons pour cela. Je vais la trouver sur le champ, dit Maurice, et je la forcerai bien à s'expliquer. Non, mon ami, c'est moi qui la verrai, qui l'interrogerai. En ce moment, vous êtes trop agité, trop ému. D'ailleurs, c'est ce Colfax qui s'est rendu acquéreur des biens de mon fils, et comme mère, mon intervention auprès d'elle est toute naturelle. De ce pas, je vais au chalet. Seulement, trouvez-moi un guide, car je ne connais pas les environs de ce pays. Pendant que cet entretien avait lieu entre la duchesse de Vallombreuse et Maurice de Lavernet, le juge de paix et le docteur Cabarrox étaient en grande conférence en attendant l'arrivée de la gendarmerie. « Vous avez fait fausse route en ordonnant l'arrestation de cette vieille servante, » disait le docteur à M. Jorel. « Je suis physionomiste plus encore par goût que par métier, et cette fille, j'en ai la conviction, est innocente. »« Alors, quel sera le coupable selon vous ?» répondit le juge de paix. « Je n'accuse personne. Cependant, c'est quelqu'un, sans aucun doute. »« Ma foi, je viens d'informer le juge d'instruction de ce qui se passe. Il débrouillera lui-même l'affaire. » Peut-être y aurait-il moyen de connaître le meurtrier ? Insinua Pavarox. Quel est ce moyen ? Repartit M. Jorel. C'est l'emploi d'un procédé récemment découvert par la science. En quoi consiste ce procédé ? Vous savez comment agit la lumière sur une plaque photographique ? Parfaitement, car je suis quelque peu photographe moi-même, à mesure de loisir, bien entendu, et pour mon compte personnel. Dans ce cas, vous allez me comprendre, poursuivit le docteur. J'écoute. Et le juge de paix en se rapprochant. L'œil peut, dans certaines circonstances, et même lorsque la mort a été presque foudroyante, conserver l'empreinte du dernier objet qui l'a frappé. J'ai entendu parler de cela, mais j'y ai ajouté peu de fois. Parce que vous n'avez pas vu. Si vous aviez vu comme moi, non pas une fois, mais plusieurs fois, vous seriez moins crédule. Qu'avez-vous vu ? Il s'agissait de grands crimes dont les auteurs, malgré toutes les recherches, étaient demeurés inconnus. Eh bien, ce sont les yeux des victimes qui les ont dénoncés, leurs yeux morts, comprenez-vous ? Parfaitement. Et c'est une expérience de ce genre que je voudrais faire, mais il me manque une chose. Et cette chose, c'est un appareil photographique. Que cela ne tienne, le mien est excellent et je l'enverrai chercher, reprit M. Jorel. Fort bien, dit Cavaroux. Mais je suis peu expert en la matière, tandis que vous, soit, j'opérerai. Maintenant, et comme je n'ai aucune mission judiciaire, il est bien entendu, n'est-ce pas, que l'expérience aura un caractère purement scientifique. Nous agirons en simple amateur et complètement en dehors de l'action de la justice. Je m'y engage à l'avance. Voilà qui est bien convenu. Mais la chambre mortuaire est occupée par Brigitte, et il importe que nous soyons seuls. Je vais la faire transférer ailleurs, dit le juge de paix. Parfait, répliqua le docteur Cavaroux. Vous pouvez maintenant envoyer chercher votre appareil et nous nous mettrons à l'œuvre. Le juge de paix fit sans plus tarder conduire la vieille servante dans une pièce du château, et une heure plus tard, un paysan, auquel il avait donné des instructions précises, revenait avec l'appareil photographique et ses accessoires. Le transfèrement de Brigitte dans une salle basse du château, et le départ ainsi que le retour du paysan, n'avaient pas échappé au regard inquiet du baron de Lavernay. « Que portes-tu là ? » demanda-t-il au jeune gars au moment où il rentrait dans le vieux manoir. « C'est la mécanique à portrait de monsieur le juge de paix, » répondit celui-ci en continuant son chemin. « Il va photographier le cadavre, » pensa monsieur de Lavernay. « Dans quel but ?» Il voulut pénétrer dans la chambre mortuaire, mais elle était fermée. Il frappa. « Qui est là ? » dit monsieur Jorel. « Vous avez sans doute l'intention de reproduire les traits de ma pauvre sœur, » répliqua le vieux gentilhomme. « Et je venais vous dire que c'était inutile. Je possède une très bonne épreuve que je vous remettrai si vous en avez besoin. »« Ce n'est pas l'image de la femme vivante que je veux avoir, » répondit le juge de paix, « mais celle de la morte. »« Ne pourrais-je pas assister à l'opération ?» continua le baron. « Impossible, » fit laconiquement le docteur Cavaroux. « Elle est commencée et nous ne pouvons pas l'interrompre. » Ce court colloque à travers la porte avait vivement impressionné M. de Lavernay. Il sentit la terreur le gagner, et il se retira tout pensif. M. Jorel ne s'était nullement vanté en disant qu'il avait une certaine pratique de la photographie. C'était un maître des plus experts dans cet art. Il eut soin d'approcher l'appareil photographique le plus près possible, en sorte que l'œil de la défunte pût remplir une partie de l'objectif. Il prit ensuite la petite glace qui surmontait la toilette de Mademoiselle de Lavernay, et il la posa devant la fenêtre, afin de tirer sur l'œil un rayon lumineux. L'œil ouvert de la morte reçut instantanément les réflexions de la lumière, tandis que le reste du visage demeurait dans l'obscurité. « Très bien, » fit le docteur. Le juge de paix plaça bientôt une feuille de papier enduit d'iodure d'argent mélangé d'un peu d'acide acétique dans le foyer de la chambre noire, et en moins d'une minute, l'action chimique fut produite. Retirée de la chambre noire, cette feuille de papier, recouverte d'iodure d'argent décomposée par la lumière, ne présenta d'abord aucune trace visible d'image. Alors, et pour la faire apparaître, M. Jorel la plongea dans une dissolution d'acide gallique qui a la propriété de faire ressortir en noir toutes les parties que la lumière a frappées. Cela fait, et cette feuille lavée dans un bain d'hyposulfite de soude, les preuves négatives étaient obtenues, c'est-à-dire celles dans laquelle les parties claires apparaissaient en noir et les ombres en blanc. Il la mit sur une feuille de papier imprégnée de chlorure d'argent, l'exposa au soleil pendant environ un quart d'heure, et il obtint les preuves dites positives, qu'il lava comme l'autre avec de l'hyposulfite de soude. L'opération avait complètement réussi. L'œil de la mort se montra sur le papier dans sa grandeur naturelle. « Maintenant, dit Cavarox, il faudrait une loupe pour examiner l'intérieur de l'œil. »« J'en ai fait apporter une d'une très grande puissance, » répondit le juge de paix. « Veuillez me la passer, » reprit le docteur. « Voilà. » Cavarox inspecta alors le cristallin de l'œil de la morte avec le verre grossissant. Une seconde image, confuse d'abord, se dessina sur l'œil, qui était devenu à son tour une véritable plaque photographique. « Nous avons la preuve du crime, » s'écria Cavarox. « Regardez à travers cette loupe et vous y verrez l'image du meurtrier. » M. Jorel prit la loupe et regarda. Tout à coup, ses traits se contractèrent et une stupeur indicible se peignit sur son visage. « Eh bien, qu'avez-vous ? » demanda le docteur, qui avait repris tout son sang-froid. « C'est horrible !» murmura le juge de paix. « C'est l'image du baron que reproduit l'œil de la morte. Je soupçonnais le criminel. J'étais même convaincu de son crime, » répondit le docteur Cavarox. Je voulais en avoir la preuve. Cette preuve est indiscutable, poursuivit M. Jorel, et je vais agir en conséquence. Oubliez-vous que le résultat de cette expérience doit demeurer secret ? Reprit le docteur. Mais Brigitte est accusée. Elle va être jetée en prison et condamnée si je me tais. Brigitte, je vous l'affirme, ne sera point condamnée, et le coupable expiera son crime. Cependant, docteur, m'avez-vous oui ou non ? Donnez votre parole de garder le silence le plus absolu. Sans doute, mais ma conscience, qu'elle se tranquillise. Avant 3 jours, Brigitte sera libre, je vous en fais le serment. » Le juge de paix, combattu d'un côté par son devoir et de l'autre par sa parole donnée, allait sans aucun doute faire primer la question du devoir, mais l'affirmation de Cavarox lui parut de nature à concilier les deux choses. « Soit, répondit-il, je serai muet pendant 3 jours, mais ce terme passé, si cette pauvre fille n'est pas rendue à la liberté, vous éclairerez la justice. C'est bien, mais si j'en arrive là, je veux me présenter tout armé. Je comprends, dit le docteur. Vous voulez avoir une épreuve de cette photographie ? Oui. Qu'à cela ne tienne, tirez une seconde épreuve que vous garderez comme je garde celle-ci. Une demi-heure plus tard, au moment où le docteur Cavarox se disposait à quitter le château, le baron qui l'épiait courut à lui. Eh bien, votre opération a-t-elle réussi ? « Nous avons dépensé, le juge de paix et moi, une heure en pure perte, » répondit Cavarox. « Que voulez-vous ? À chacun son métier. » Ces paroles produisirent l'effet d'un baume sur le cœur du vieux gentilhomme, et son visage sera serena comme par enchantement. « Ah, à propos, » continua le docteur, « quand comptez-vous réclamer la prime d'assurance que vous avez à toucher ?»« Aussitôt après l'enterrement de ma sœur, » repartit M. de la Vernay, « j'irai à Paris régler cette affaire. » « Je ne pense pas que les choses puissent marcher aussi vite, » dit Cavarox. « Et pourquoi ?»« La mort de votre sœur est le résultat d'un crime, et dès lors il faudra attendre le verdict de la justice. »« Mais je n'ai rien à voir dans l'événement qui a eu lieu, je n'en doute pas. Toutefois, la compagnie ne peut et ne doit rembourser que lorsque la justice sera prononcée. » Le docteur s'éloigna sur ces mots, laissant le baron de la Vernay tout désappointé et fort anxieux.